Les Cornifleurs de Jules Renard. Chapitre 1er. Monsieur Vernet. C'est un homme de 40 ans, un peu raide et lourd, convenablement vêtu. On sent qu'il n'a pas lui-même soin de sa personne, qu'il ne s'habille pas seul. Madame Vernet le boutonne, l'épingle, le peigne. Rarement un jour se passe sans que l'arrêt, droite et pure, se défasse et que la cravate remonte. Mais Monsieur Vernet est incapable de revenir sur sa toilette. Il semble, pour cette raison, plus distingué le matin que le soir. Le peu qu'il montre de ses yeux est d'un bleu tendre. Ses paupières pesantes jouent mal, constamment presque fermées. Il est obligé de lever la tête, de la pencher en arrière, comme les gens qui regardent par-dessous leurs lunettes. Je le dis sans malice, la forme de ses yeux rappelle quelque chose de déjà observé aux yeux des porcs. En omnibus, M. Vernet se met de préférence au fond et regarde les derrières des chevaux lourdement secoués. Le pavé de Paris use les meilleures bêtes. Suivant les recommandations du préfet de police, M. Vernet ne descend pas de voiture avant qu'elle ne soit immobile. Mais une fausse honte, bien excusable chez un homme, l'empêche de demander le cordon au conducteur pour lui seul. Il attend qu'une dame fasse arrêter et profite de l'occasion. Sinon, il s'entête, dépasse le but, bat jusqu'à la station prochaine et retourne sur ses pas. Chapitre 2e. De la prudence. Oh, je me tiens sur mes gardes. Une récente aventure m'a rendu sévère. Je viens de quitter certaines familles honorables que j'aimais beaucoup, un peu trop, et je frissonne au souvenir de l'outrage. Je ne me livrerai pas sans défiance. Il faut que plus tard, si l'aventure tourne mal, je puisse dire, hautain et bref, à cet homme, « Ne vous souvient-il pas, monsieur, que vous avez été le premier à me tendre la main ?» À ses reproches, je répondrai, « C'est vous qui m'avez cherché. » Dès qu'on nous embrasse, il est bon de prévoir tout de suite l'instant où nous serons giflés. Je l'épie et le vois venir. Ce n'est d'abord entre nous qu'un échange de nos deux cartes. Lui, Victor Vernet, directeur des chantiers de l'usine Caz, Passy, moi, Henri. Monsieur Vernet me regarde. Est-ce tout ? Oui, dis-je. J'ai jeté négligemment mon nom à la corne du carton en signature. Au-dessus, je puis écrire quelques lignes, c'est commode. Monsieur Vernet sourit et dit : J'aime tout ce qui est original. Mais, par politesse ou indifférence, il ne réclame pas d'autres renseignements. Nous nous saluons et nos chapeaux se bossèlent au plafond de l'omnibus. Chapitre 3e. Bouton par bouton. À chaque rencontre, comme on reprend aux dernières mailles une dentelle interrompue, la conversation nouvelle se raccroche au dernier mot de la précédente. Expérimentés, nous n'allons pas vite. Une fois, M. Vernet dit son âge. Une autre fois, le chiffre de ses appointements, 15 000 francs. De plus, il est intéressé dans les affaires. Elles vont bien. Mais ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'il a droit à 2 mois de congé par an. Lentement, je reconstruis sa vie. Aujourd'hui, il m'apprend le petit nom de sa femme, Blanche. Elle a oublié de lui changer ses manchettes. Il serait plus expansif si j'étais moins discret. Mais je n'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens. Je ne le fais que par exception. Tantôt, obstinément silencieux, j'affecte de ne rien entendre. Tantôt, je coupe net une confidence en toussant. Si M. Vernet me demande « Vous avez sans doute quelque emploi ?» Je réponds « C'est peu de chose. J'élève 3 petits lapins. » M. Vernet feint de comprendre, puisqu'il aime tout ce qui est original. « Et vos petits lapins vont bien ? Ils sont charmants et forment un triple étage. L'aîné a la tête de plus que le cadet la tête de plus que le 3e. On me les prête tous les matins. » « Je vois, vous êtes professeur libre. » « Oh, tout à fait libre. Les pauvres petits et moi, nous nous sommes bien ennuyés ensemble. Mais il faut aider ma famille à me faire vivre. Voilà qu'ils sont à point pour rentrer au lycée. Quel dommage. J'avais comme vous 2 mois de congé et en outre toutes mes soirées à moi, ce qui me permettait de travailler. » Je répète le mot « travailler » en exagérant la voix et le geste. L'heure est-elle venue de dire à quoi ? Chapitre 4e. Encore un homme de lettres. Monsieur Vernet. « Vraiment, je n'achète le journal que pour ma femme, car je n'ai pas le temps de le lire. Je jette à peine un coup d'œil sur les faits divers et la bourse. Henri. Et cela suffit, car le reste, ce que nous écrivons, est-ce intéressant ? Monsieur Vernet. Vous écrivez donc dans les journaux ? Henri. Des fois. Monsieur Vernet. Lequel ? Henri. Oh, n'importe lequel, dans l'un ou dans l'autre, un peu partout. Monsieur Vernet. Je n'ai jamais vu votre nom. Henri. Cela ne m'étonne pas. J'écris sous des pseudonymes. Je suis jeune et n'ose pas me lancer. Il y a la famille. Monsieur Vernet. Mais ces pseudonymes, quels sont-ils ? J'en invente sur le champ quelques-uns. Au premier, Monsieur Vernet fait des signes d'ignorance. Il reconnaît les derniers. Oui, je crois avoir vu celui-là quelque part. Le coup est porté. Monsieur Vernet se rapproche de moi. La serviette du professeur Livre n'est plus à ses yeux banale. Il y a peut-être un article dedans. La différence des âges est abolie. Nous nous estimons de pairs. Monsieur Vernet. Je voudrais bien lire quelque chose de vous. Henri. Ce que j'ai fait jusqu'ici ne mérite pas d'être offert. Attendez au moins que j'ai terminé mon roman. Monsieur Vernet. Comment ? Vous écrivez aussi des livres ? Henri. Des livres, c'est beaucoup dire. Je barbouille du papier. Monsieur Vernet. Je serais empêché de soutenir qu'un livre est bon ou mauvais. Je ne m'y connais pas et n'y entends rien. Mais j'affirme que pour faire un roman, quel qu'il soit d'ailleurs, pour mener à bien l'histoire, pour se retrouver au milieu de tous les personnages et ne pas confondre Pierre avec Paul, il faut avoir de la tête. Nous sommes graves. Il semble que nous allons, moralement, nous cordeler, nous nouer. Presque sous le manteau, en me cachant des passants, je donne à M. Vernet ma vraie carte, une plaquette d'une centaine de vers luxueusement édités aux frais de cette honorable famille que j'ai quittée. J'en ai toujours un exemplaire sur moi. C'est un encas préparé pour liaison immédiate. M. Vernet l'ouvre sans un mot. La dédicace est flatteuse, l'hommage empressé. Et puis, il possède maintenant, pour la première fois de sa vie, une chose imprimée qu'il n'a pas achetée. Il m'offre, en échange, une invitation à prendre le café, sans cérémonie, dimanche prochain, vers 1 heure. Madame Vernet y compte fort. On m'attendra. Notre poignée de main est longue, comme si nous venions de traiter un important marché. Monsieur Vernet me sourit, tout grâce, et je chantonne ainsi qu'une raccrocheuse quand la soirée est belle et que le trottoir donne bien. Chapitre 5e, Entrée. Je m'attends à du nouveau. Je tombe dans un ménage bourgeois, c'est-à-dire au milieu de gens qui n'ont pas mes idées. Le bourgeois est celui qui n'a pas mes idées. J'ai préparé en sceau ma première visite au Vernet. J'allais chez eux avec le plaisir d'avoir apposé un peu et la crainte de n'être pas compris. Je me promettais de faire de l'effet, repassant mes citations, cherchant des noms d'auteurs peu connus et dont la seule étrangeté me ferait honneur. N'ai-je pas, dans la collection de mes gestes, quelque élévation de bras, un ploiement de genoux, un coup de nuque en arrière, qui serait à mes phrases d'élite ce que les projections lumineuses sont aux conférences scientifiques? Et je fais mes frais. Je ne me rappelle pas avoir été au-dessus de moi-même. Nous avons pris du café. J'ai déclaré qu'il était bon, mais un peu chaud. M. Vernet m'a parlé de sa cave. J'ai trouvé ça naturel puisqu'il avait du vin dedans. Inhabile à distinguer la fine champagne de l'eau de vie de Mar, j'ai cependant affirmé que la liqueur de mon petit verre bleu devait être très vieille, selon moi du moins. Chapitre 6e. Au premier engagement entre Madame Vernet et moi, M. Vernet se tut. « Et vous, madame, à quoi donc pensez-vous vos loisirs ?» Je disais donc que, et en général j'exagérais les liaisons, le soin avec lequel nos lions nos mots étant le signe certain qu'on nous en impose. « Je lis un peu, » dit-elle. Aussitôt je prononçais les noms de Baudelaire et de Verlaine. Elle m'avoua qu'elle ne les connaissait pas, et loin de me redresser avec la mine sévère et condoléante du monsieur qui découvre une ignorance, j'eus la lâcheté de dire « Tant mieux pour vous !» La lâcheté de le répéter et de commencer l'éloge de la femme qui ne sait rien. Mais Madame Vernet, une femme doit avoir au moins quelques notions d'histoire et de géographie. « Sans doute, » dis-je, « et d'arithmétique. » « Et de musique, » dit-elle. « Soit, je vous accorde le piano, mais avec un seul doigt. » Bientôt, je lui fis toutes les concessions. Elle parlait assez correctement, en disant « meilleur » au lieu de « meilleur ». Elle aimait la peinture-poésie et la poésie-peinture. Elle désirait élever son âme de temps en temps, comme on fait des haltères, par récréation et par hygiène. aux beaux endroits d'un livre, elle ne s'en cachait pas, ses yeux se mouillaient de larmes. Cependant, elle avait vidé bien des coupes, et la façon dont elle parla de l'amertume des choses me fit comparer sa vie à quelque tonneau qui a trop roulé et où la lie se dépose, tandis que Couard, 5 minutes après avoir glorifié la femme qui ne sait rien, je vantais bassement la femme qui sait tout. Chapitre 7e, symptômes. Ils n'ont pas d'enfants et s'ennuient. J'arrive au bon moment. Ils gardent à l'endroit du poète des préjugés en partie rectifiés, c'est-à-dire que ne voyant plus en lui un illuminé, un fou maigre, affamé et grugeur, légendaire et redoutable, ils le traitent encore d'être original et exceptionnel. S'il travaille, ils se signeraient et disent « Il travaille ». S'il ne pense à rien, ils disent « Laissons-le rêver ». Ou, le doigt tendu vers son front, « Que peut-il se passer dans cette tête-là » Je reporte la main à mes cheveux courts, comme pour mettre d'aplomb une auréole. Madame Vernet coud des boutons au caleçon de son mari. « Vous êtes heureux de pouvoir consacrer votre vie à l'art. » Elle entend vraiment que je voue ma vie à l'art, la lui dédie et sacrifie. Elle me croit un peu prêtre et me complimente sur ma vocation. Faut-il lui dire que je n'en ai pas, que je compose des vers aux heures perdues parce que papa me sert provisoirement une petite rente et que j'entretiens habilement ses illusions? Il veut faire de moi quelqu'un et se saigne jusqu'à ce qu'il découvre en son fils un paresseux vulgaire et rebouche ses 4 veines une fois pour toutes. « D'ailleurs, dit M. Vernet, qui suit sa propre pensée et côtoie la mienne, le devoir d'un père n'est-il pas de sauter le pain de la bouche pour ses enfants ?»« C'est juste, mais répugnant, et si le mien sautait le pain de la bouche pour me l'offrir, je le prierai poliment de l'y rentrer. » M. Vernet fume une cigarette, las d'avoir travaillé une journée de 10 heures à l'usine qu'il dirige. Ses paupières battent comme des volets mal accrochés. Parfois, elles se ferment. L'effort qu'il fait pour les relever les plisse à peine. Elles ressemblent à des coquilles de noix. Sa cigarette s'éteint à chaque instant. Il la rallume. Elle se meurt. C'est une lutte. Il a l'air de manger des allumettes. Madame Vernet. Ce n'est pas poétique de coudre des boutons. C'est cependant nécessaire pour que les caleçons tiennent. Va-t-elle reprendre l'argutie de l'autre jour ? Elle fait, dans le tas des choses qu'elle accomplit, pense ou exprime, le triage de celles qui sont poétiques et de celles qui ne le sont pas. Manger des huîtres est poétique, mais manger de la soupe ne l'est plus. Dire « Monsieur Vernet » est distingué, et dire « Mon mari » commun. Elle pique, avec l'adresse d'un chiffonnier, le mot « chaise » et le jette là, côté prose, puis le mot « siège » qu'elle dépose ici, côté vers. Soudain, Monsieur Vernet, du fond de sa somnolence, pareil à un oracle que le suc des lauriers et des vapeurs méphitiques ont engourdi, annonce « Vous arriverez !» Je l'espère, me laisse aller et compte mes rêves en un bon fauteuil dont je frise les glands entre mes doigts. J'ai bien dîné et j'éprouve le besoin d'intéresser quelqu'un à mon avenir. Mes jambes s'allongent, prennent possession du parquet et mes pieds remuent comme la queue d'un chien qu'on flatte. Je ne fume pas. On me dit que je n'ai point de défaut, et on pense que si je crains le tabac et l'alcool, c'est non par délicatesse de femmelette, mais par prudence de grand homme qui se ménage. Je lève mes mains blanches pour que le sang n'ait pas la force d'y monter. On me demande des vers. Mes vers n'ont que le mérite de s'en aller tout de suite loin de ma mémoire. Ne vaut-il pas mieux causer doucement de choses diverses, en ami vieux déjà qui se pénètre sans effort? Enfin, j'ai un idéal. La pâleur de mon teint et ma tristesse en répondent. Ne pouvant en fumer sa cigarette, M. Vernet se décide à la sucer. « Cher, cher, » lui dit Mme Vernet. Il continue. Ses dents mâchent des brins de tabac. Quelques-uns s'échappent, tombent, s'accrochent comme des insectes à son gilet. On ne sait plus s'ils viennent de sa bouche ou de son nez. « Voyons, M. Henri, dites-nous quelque chose. » « Non, pas ce soir. » Une autre fois, quand je serai plus en train. Les boutons du caleçon sont au complet. Madame Vernet l'agite. Le derrière se gonfle comme s'il y avait quelqu'un. Étourdi par la chaleur et le peu que j'ai bu, je me le figure rempli pour de bon. J'y entre moi-même. Il est trop large et Madame Vernet, à genoux, sa tête à hauteur de mes hanches, serre les ficelles. Je ne ressens que l'ennui d'être tripoté, de tourner à droite, à gauche, les mains en l'air, ou croisées sur mon ventre. Vainement, je dis « C'est bon !» et veux m'en aller à mes affaires. Madame Vernet s'obstine, rentre le caleçon dans les chaussettes, s'écarte un peu pour voir, sans trouble, assise sur ses talons, et pique une épingle dans son corsage. « Je vous demande encore pardon d'avoir terminé ce petit travail devant vous, mais M. Vernet n'a plus rien à se mettre. » J'en regarde cet homme, pris de pitié, prêt à lui offrir mon linge. Un grotesque a pris ma place, parle en mon nom, caricaturise mes gestes, digère et s'empâte. Chapitre 8e. Déviation. Ils disent, l'un, « Ma femme m'adore », et l'autre, « M. Vernet est le plus honnête des hommes ». Ils n'avoueraient pas que, séparés, ils sont heureux. Pourtant, le mari ne vit complètement que dans son usine. L'invention du téléphone lui a paru un événement immense. D'abord, il redoutait de s'aboucher avec l'appareil, disant au premier employé venu « Téléphonez donc pour moi, je n'ai pas le temps. » Et tandis que l'employé parlait au loin, M. Vernet tournait autour de la cage, ainsi qu'un dompteur déjà mordu, n'osant jamais et se promettant d'oser, un peu fiévreux comme un auteur qui écouterait en lui-même la répétition d'une pièce. Enfin, il est entré, et maintenant voilà qu'il regarde l'appareil comme un confident. Ils sont toujours ensemble. M. Vernet lui cause pour causer, et le soir, l'écho des conversations qu'ils ont eues se répercute encore. « Imagine-toi, Blanche, que j'ouvre la cage. J'entre, je dis « Allô ?» Rien. « Allô, allô ?» Rien. Croiras-tu qu'il m'a fait attendre la communication 25 minutes, montre en main ? Elle, l'ennemi. Madame Vernet, les coudes sur la table, le nez dans sa tasse de thé, un petit doigt en accent aigu, répond « Matin ». Elle a couru par les grands magasins toute la soirée. « Oui, je prendrai cela, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie qui habite la province. » Parfois elle achète pour rendre, et peut-être parce que ce va-et-vient de paquet fait bien aux yeux de sa concierge. Mais ce qu'elle garde est d'occasion. Le bon marché seul l'attente. « Je puis vous affirmer qu'elle a été rudement bien, » me dit M. Vernet. Il s'encourage à l'aimer, fier qu'elle me plaise, et quand je fais à Mme Vernet l'offre d'une civilité saupoudrée comme une gaufre, il sourit. « Ah, ce monsieur Henri !» Il me croit connaisseur. Mes admirations pour la femme sont un hommage au goût du mari. Si nous étions seuls, je lui taperais sur l'estomac, et il me raconterait des saletés. Et Mme Vernet s'excite de son côté. Elle lui porte une solide, sincère affection. Dans ses moments de papillon noir, qui n'en a pas, elle s'appuie sur la force et se confie en la franchise de ce brave homme. Leur cœur allait s'éteindre, ne plus former que des boules de cendre froides. J'ai soufflé, et voilà qu'à la grande surprise de tous, des étincelles profondément enfouies, sans flamme, s'élancent. Je m'excite à mon tour. J'étais jusqu'à ce jour un petit monsieur désœuvré qui se glorifiait ou se méprisait à outrance, et je sers à quelque chose. Je renoue l'une à l'autre ces deux âmes près de céder comme des cordes usées. À chacune de mes visites, je constate un nouveau progrès. C'est un rapprochement découvert, une façon délicate et inattendue de s'offrir du pain, du poivre, hors de propos un interminable débat anodin pour savoir qui se fatiguera à fatiguer la salade. M. Vernet vient embrasser sa femme avant même de déposer au vestiaire sa canne et son chapeau. Si je lui dis « Vous avez l'air fatigué », il me répond « C'est que j'ai mal dormi cette nuit ». Il voudrait en compter plus long, et comme une pomme véreuse tend à tomber de sa branche, une grosse plaisanterie grasse lui pend au bout de la langue. Sa femme l'arrête par un « Voyons, chérie », très tendre. Elle a posé nonchalamment la main sur le rebord de la table, et la tête inclinée, les yeux brillants et clignotants, elle murmure « Oh, vilain !» C'est moi qui rougis. Toutes mes félicitations à moi-même. Je travaille bien. Chapitre 9e. C'est bon, c'est bon. Et pourquoi ne s'aimerait-il pas? Vais-je m'imaginer que Madame Vernet, en apparence très loin de son ménage, y fait une fausse rentrée par coquetterie? Il faut que je perde l'habitude de dire, enveloppant, comme une chose à cacher, ma bêtise ignorante dans une expression dédaigneuse. « Je connais la femme, c'est un logogriffe, un écheveau. » Madame Vernet est une femme simple, qui aime son mari, simplement, à la papa. M. Vernet a d'énormes biceps, roulant et grondant presque, quand il raidit, reploie son bras, comme un animal ennuyé ouvre et referme sa mâchoire. Il peut, entre ses tenailles de chair, écraser une noix, faire péter une balle élastique, et m'y briserait si j'avais la maladresse de me laisser pincer. Il tord une fourchette en tire-bouchon, abat son poing, d'un vigoureux coup, sur l'angle d'une pierre de taille, sans se faire mal. Par envie et par impuissance, je prétends qu'il me trompe avec des trucs. Pour l'intelligence, M. Vernet en vaut un autre. Il est parti de rien. Il a fait sa situation seul. À 15 ans, il gagnait sa vie. « Et même, dit-il, âgé de 18 ans à peine, je venais déjà en aide à ma famille. Je remportais un prix de 500 francs et une médaille d'argent dans un concours de bébés. » Il sait qu'on peut se vanter sans ridicule d'être travailleur. Afin qu'on ne l'accuse pas d'immodestie, il prend les devants. Par le ton d'un imbécile, il dit « Le pauvre me ressemble, est comme moi, sans malice. » On l'entend déclarer « Je ne suis qu'une bête, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et quand on fait ce qu'on peut... » Madame Vernet proteste « Mon ami, tu as tes mérites. Combien d'autres à ta place seraient restés en chemin ?» Flattée d'être considérée par son mari comme une femme supérieure, elle ajoute « Tu es si bon. » Ah, la bonté, la bonne bonté, que c'est bon. Madame Vernet s'anime, s'échauffe, fait des gestes comme si, d'un ébauchoir, elle sculptait la statue même de la bonté, puissante et lourde, écrasant pêle-mêle sous son séant le reste des qualités inutiles, la pouillerie des autres petites vertus. Je m'abandonne aussi, je jette le paradoxe aux orties et prie l'excellente femme de vouloir bien accepter mon humble concours et la petite boule de terre glaise que je colle à la statue en plein milieu de la figure pour lui faire le nez. Ainsi, très fort, très bon et peut-être plus spirituel qu'il ne le croit, tel apparaît M. Vernet. Toutefois, ce qu'il a contre lui et pour moi, c'est un commencement d'eczéma. Son sang malade, avec une persévérance de taupe, creuse de petits canaux à fleurs de peau et perce ça et là et pousse dehors ses vésicules rouges, agaçantes et brûlantes. Chapitre 10e. Misère de misère. Le calme appartement des Vernet m'attire. La régularité de leur vie m'engraine, et je ne tente rien pour me ressaisir. Je ne sais pas ce que je vais faire chez eux presque tous les soirs. Je monte les escaliers lentement, et quand je pèse sur le bouton du timbre, quelque chose de joyeux répond en moi. On m'attend. Mon couvert est toujours mis, c'est-à-dire qu'on se dépêche de le mettre dès que je sonne. J'enlève mon pardessus avant de dire bonjour, et je m'arrête un instant afin de m'emplir le nez des odeurs qui viennent de la cuisine. Je gagne aussi, peu vite que possible, la salle à manger. Je me mouche, cherche dans mes poches, feins de m'accrocher au porte-manteau, donne un coup de gant sur la poussière de mes bottines. Je laisse à Madame Vernet le temps de faire des signes à sa bonne et de lui dire, bas, vite, un gâteau de 2 francs aux amandes. À la vérité, j'arrive en intrus, mais comme on ne me le fait pas sentir et qu'un dîner en ville est toujours bon à prendre, je salue d'un air dégagé en essayant de varier mes formules de politesse préparées dans la journée. M. Vernet me serre les doigts impitoyablement pour me prouver sa force, et tandis que je les agite un peu afin de les décoller, Mme Vernet me dit « Bonjour, poète ». J'ai voulu lui baiser la main. Elle ne s'y attendait pas. Son bras que je soulevais est retombé lourdement et gauchement. Je me suis gardé de le rattraper. En général, si les fourches de nos pouces et de nos index s'adaptent et s'entrecroisent avec netteté, je me sens à l'aise pour la soirée. Au contraire, je suis pris d'inquiétude comme un lièvre qui écoute s'il ne m'accorde que le bout de ses doigts. Je les fais sauter dans le creux de ma main, de la façon qu'on soupèse des pièces d'or pour voir si elles ont le poids. Installé, je deviens poseur, menteur et gobeur. La nourriture saine et abondante descend en moi, fait tampon, refoule mon âme dans un coin, l'étouffe. « Quel excellent potage » dis-je. « Il n'y a que chez vous qu'on sache manger. » Je cite des noms connus de restaurants comme si j'en sortais. Leurs prix sont un peu forts, mais à Paris, cela seulement est bon marché qui coûte cher. À chaque nom, M. Vernet me demande « Vous êtes allé ?»« Oui. » Ils ont un nouveau chef qui réussit la sole, mais tout autre poisson y est détestable. Je jouis de mentir et regarde l'étonnement de M. Vernet monter comme une colonne de mercure. Tel degré atteindre me fait ajouter un mensonge à tel autre. Il est bon que je m'arrête. tout à l'heure, quittant la table, n'irai-je pas sucer une écrevisse chez Farid ? Mais au moment où je redoute qu'on ne me croie plus, car à la manie de mentir, je joins celle de prétendre que je mens habilement, et comme Madame Bernet, troublée par mes ventries, traite son repas de frugal et réclame mon indulgence, « Ah ! Dis-je, plutôt cieux que j'en use tous les jours autant !» Avec une souplesse dont je ne me rends pas compte et qui pourrait me faire prendre pour un farceur, je passe des grands restaurants aux petits à 25 sous, pour boire compris. Je faisais le musulman fastueux, me voilà franciscain. Monsieur et Madame Vernet m'écoutent, plus sympathique. Les souffrances de mon estomac donnent à leur dîner une importance. Ils m'enviaient, ils vont me plaindre. Je possède mon sujet et je parle avec facilité. Ça coule de source, semble-t-il. Que de fois, absorbé par mon travail, il m'est arrivé d'oublier de dîner, comme on oublie son mouchoir, un objet futile. Si jamais j'ai fait quelque chose de passable, ça a été ces jours-là. Mais moins mauvais verre, je les dois à ma faim négligée. Je ne soutiens pas aujourd'hui que le pauvre seul a du talent, mais peu s'en faut. Ce sera pour une autre conférence. Ne vous attristez pas, me dit Madame Vernet. Bon, c'est le souvenir. On en parle pour parler. Les jours sont meilleurs maintenant, mais j'en ai vu de rudes. Un jour, j'avais encore oublié de dîner, oublié volontairement. Je cherche dans mes poches, rien. Mon porte-monnaie était plat comme un mendiant. Je cherche dans mon placard où je mets ma bouteille de chartreuse pour les deux ou trois amis qui viennent me voir, mon plateau et mes verres, et je découvre un morceau de charcuterie. Il était semé de taches d'un bleu noir ainsi que des dents cariées. L'odeur me poursuit encore. J'ai vécu avec lui 24 heures à le regarder. Est-ce que je ris ? Est-ce que je me moque ? Candide et grave, je parle de ma chambrette, de mes petites affaires, de ma petite table de toilette et de ma petite bibliothèque, où sont rangés mes petits livres. Ma gaieté est forcée et niaise, et il me semble que des larmes retombent au-dedans de moi, une à une. Je ne pensais pas avoir tant souffert. Arrivé, ces intéressantes aventures ne m'auraient pas fait plus de mal que raconter. J'y crois être moi-même. Monsieur et Madame Bernet se font des signes de tête et laissent échapper des soupirs de gorge. Peut-être M. Vernet se reproche-t-il d'avoir fait sa fortune trop vite. Il se tranquillise en songeant que je ferai certainement la mienne. « Tous les grands hommes ont passé par là, » dit-il. Chapitre 11e. Mes confrères. Aussitôt commence la revue des grands hommes qui ont passé par là, et chaque exemple cité est comme une preuve de mon illustration future. Par la pensée, j'associe mes amis à ma haute fortune. « Quand vous en serez là, » dit Madame Vernet, « vous ne nous regarderez plus. » Je me dresse brusquement, frémissant, je la fixe, et comme si elle était déjà ma maîtresse, lui jure du geste une fidélité éternelle. Mon exaltation calmée, nous reprenons notre causerie intime sur le monde des lettres. Je deviens soudain l'ami des auteurs célèbres. Par principe, je dénigre tous les hommes de talent, un ou deux exceptés, les deux plus vieux, les plus inaccessibles, ceux qui se trouvent trop loin et trop au-dessus de moi pour être des rivaux, et que je vénère ainsi que des demi-dieux, les lèvres remuantes. Mais, mon acte de foi terminé, qu'on ne me parle plus de ces hommes. Ils montrent à vivre une obstination indécente, aimantent toute la quantité d'admiration disponible dans l'air, et sans jalousie mesquine, par humanité seulement, je leur souhaite ce qui leur manque pour être complet dans l'absolu, une prompte mort. Madame Vernet, êtes-vous heureux de connaître ce monde ? Henri, oh, croyez-vous ? Habitudes et perspectives, ce sont des gens comme vous et moi, plus simples qu'on ne pense. Ah, j'adorerais la vie de famille, le repos du dimanche. Je me réserverais de transporter dans mes livres, dans mon œuvre, mes désordres, mes tares, mes vices intellectuels. Je dis mes livres, mon œuvre. Si on poussait, je dirais mon public. Puisque les artistes sont des hommes comme lui, M. Vernet se rassure. J'ai trop adouci le monstre. Et sans transition, je le refais dangereux. Henri. Si nous sommes gentils avec les autres, ceux qui ne sont pas du métier, nous nous dévorons entre nous. Qui dit homme de lettres, dit mangeur de confrères et déchiqueteur de renommée. Madame Vernet. Cependant, vous êtes d'accord sur ce point que Sully Prudhomme, François Coppée, le comte de Lille sont des poètes de génie. Tu, comme vous y allez. Et d'abord, qu'est-ce que le génie ? Monsieur Vernet, mais que faites-vous des actrices ? En connaissez-vous quelqu'une ? En avez-vous vu de près ? Henri, comme je vois, dans leur loge ou chez elles. Monsieur Vernet, comment est-ce une loge d'actrice ? Henri, il y en a de très bien, d'autres sont infectes. Monsieur Vernet, ils vous donnent des billets ? Henri, je n'en ai pas besoin. Vous êtes, supposez-le, rédacteur du Figaro, du Gil Blas, d'un grand journal. Vous allez au contrôle d'un théâtre, vous présentez votre carte, on vous remet un coupon. Monsieur Vernet, un fauteuil d'orchestre, Bénard. Henri, pouah, on s'en lasse. Je me mets à votre service. Monsieur Vernet, ce n'est pas de refus. Nous ne sommes point gâtés, et quand il faut aller au théâtre en payant, on y regarde à deux fois. Encore si on connaissait la pièce, on ne courrait pas le risque d'écouter des choses qui souvent vous endorment. Madame Vernet, le théâtre m'amuse toujours quand même. Et un soir que vous ne saurez pas quoi faire de vos billets. Je ne fréquente ni auteurs célèbres, ni actrices en vogue. Je connais deux ou trois grues, à 100 sous, et 4 ou 5 petits jeunes gens qui ont tous beaucoup de talent, le même âge que moi, et font des vers très bien. Jamais un confrère n'a dit de mal de moi, pour cette raison que mes confrères m'ignorent. Et les huées de la foule ne m'empêchent pas encore de dormir. J'aperçus le comte de Lille au boulevard Saint-Michel et François Copé sur le pont des Arts. Si j'en parle comme deux copains, je tremble à l'idée d'aller les voir. Théodore de Banville m'impressionne moins. Est-ce parce qu'il donne, sans morgoten, des vers à un journal quotidien de 2 sous? Les autres grands hommes ne me sont familiers qu'en photographie. J'ai eu la chance d'entendre causer une belle et innommable actrice de l'Odéon ailleurs que sur la scène. Elle courait derrière un omnibus et criait au conducteur. Voulez-vous arrêter ? Arrêtez donc, nom de Dieu ! Mais je trouve tant de charme à étonner mes chers amis. Ils disent « Continuez !» Clignent les yeux, sourient complaisamment, puis se regardent l'un l'autre en remuant la tête comme piqués par des insectes. Je ne m'en veux pas trop de mon inoffensive vanité. Seulement, j'ai pris une attitude qu'il faut garder. Je vous quitte. On ne s'ennuie pas en votre société, mais je suis obligé d'aller voir le 3e acte de Merlinette, qu'on dit très torsif, et de rejoindre ensuite quelques amis qui m'attendent pour souper. Vainement, on me tend un dernier verre de chartreuse. Je me lève, content de vivre, distingué. Heureux, heureux homme, répète Madame Vernet. Quel acte ? Qui me payera une choucroute ? Dans la rue, la pluie tombe. Au bout d'une 100aine de pas, mon pantalon que j'ai dédaigné de relever fait flac-flac sur mes talons. Les becs de gaz brillent comme des yeux en larmes. Des gouttes d'eau, langues humides, me font froid au cou. Je regagne ma petite chambrette. Si tiède que je crois, ouvrant la porte, non entrer, mais continuer à être sorti, et je me couche en prenant la précaution d'installer sur mes pieds ma descente de lit et ma valise pleine de linge sale. C'est lourd, mais chaud, et cela fortifie les chevilles. Ah oui, heureux homme. Chapitre 12e. Je dis quelque chose. Voyons, monsieur Henri, dites-nous quelque chose. On insiste. Monsieur Vernet frappe 3 coups sur ma poitrine, côté du cœur, et malignement me demande « Qu'y a-t-il là ?» Là, ma redingote se gonfle en une boursouflure rectangulaire et dessine les contours d'un calepin. M. Vernet a mis le doigt sur la boîte au verre et l'exige. Je ne fais pas de grimace et suis capable de dire des vers autant qu'on en veut. Je me détourne pour ouvrir ma redingote sans que M. et Mme Vernet s'aperçoivent que je n'ai pas de gilet et que ma chemise n'est point empesée, les plastrons raides m'étant insupportables. L'élastique de mon calepin montre ses vermisseaux de caoutchouc, mais il est plein de poésie jusqu'aux tranches. Il en a dans ses poches. On en trouverait au dos d'une note de blanchisseuse. En train, lancé, n'écrirais-je pas sur une tête chauve? Je dispose mes papiers sur la table, au choix, après avoir écarté les assiettes et essuyé avec ma serviette des taches de sauce. Qu'est-ce que vous voulez? Du gai, du triste? Du gai, dit vivement M. Vernet. Mais Mme Vernet le reprend, délicate. J'espère que M. Henri nous donnera des 2, et plusieurs fois de chaque. Mais par quoi commencer? Ah, cela, c'est votre affaire. Je suivrai donc l'ordre en usage au Théâtre Français. Quand on te donne 2 ou 3 pièces, on termine par la plus joyeuse. L'esprit se débarbouille des tristesses du drame dans l'eau vive de la comédie. Mais je vous préviens que si je récite relativement assez bien les vers des autres, je lis fort mal les miens. Monsieur Vernet répond, qu'à cela ne tienne, mon ami. Si vous préférez nous dire des vers des autres, faites comme il vous plaira. » Sa femme, décontenancée, va le gronder, et je sens sous la table un remue-ménage de pieds. « Ne faites pas attention, monsieur Henri, dit-elle, nous vous ouïssons. »« Allez-y, dit monsieur Vernet. » Je commence en fixant le fumibord de la lampe. Tantôt je m'arrête à chaque fin de verre, à chaque hémistiche, souvent ailleurs. J'ai l'air de bégayer. Tantôt un courant m'entraîne, je flotte à l'aventure. Ici les mots me paraissent pléthoriques de sens, et ma voix se traîne dessus pour les écraser, en faire jaillir l'idée, le jus et le suc. Plus loin, une pudeur me prend. Ce que je dis ne peut être que banal. Je n'y tiens pas. Je le prodigue, en veux-tu en voilà. C'est de la monnaie de cuivre plate. Je n'ai qu'à renverser la bouche comme un pot, et cela tombe et se répand. Pouvait-on espérer qu'il sortirait un bruit si continu d'un garçon aussi maigre? M. Vernet a planté son couteau dans une rainure de la table et le fait vibrer avec précaution. Il lui faut cette musique sourde à mes vers. Madame Vernet murmure « Mais c'est qu'ils sont jolis, ces vers-là » et après un silence « Ils ne sont pas jolis, ils sont beaux. » Parfois je ne dis plus rien. « C'est fini ?»« Oui, c'est fini. »« Hein, très bien, très bien. » M. Vernet fait vigoureusement vibrer son couteau et applaudit, trois doigts de sa main droite claquant sur le dos de sa main gauche. « Savez-vous que vous êtes un vrai poète ?» me dit Mme Vernet en hochant la tête. « Puisque celle-là est finie, à une autre ?» dit M. Vernet. « Oh, je veux bien, moi. » Et de nouveau, je vais me remettre à ronronner, la jambe droite en avant, le regard perdu. Déjà, je me balance. « Une goutte de brandy ?» m'offre M. Vernet. « Ça fait du bien quand on parle longtemps. » Mais pourquoi m'efforcer de faire de cette scène une évocation risible? J'étais sincère. Je le suis toujours quand je dis des vers. Monsieur et Madame Vernet ne se moquaient pas. Les sons musicaux planaient autour de nous. Nous trouvions mélancolique le grincement d'une persienne et nous écoutions le sifflement d'un bec de gaz comme le soupir d'un être cher. Monsieur Vernet se sentait tout chose. Madame Vernet ne savait pas ce qu'elle avait. Je comptais au plafond des crottes de mouches, mondes stellaires. Le vacillement du fumivore, c'était l'ébranlement d'une voûte céleste. Nos âmes libres, désemprisonnées, se hissaient au dehors et frissonnaient doucement. Chapitre 13e. Coup de sonde. Je laisse tomber un plomb dans la confiance du mari. Le fond est-il de sable ou de rochers tapissés d'herbes serrées? J'avancerai à tâtons. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je dîne bien et souvent. Je dis des vers à la satiété de tous. Mais ne dois-je pas, à mon éducation littéraire et aux exigences du monde, de coucher avec Madame Vernet? Tous les amis d'une femme sont ses amants. Chacun sait cela. Témérairement, je m'efforce de le faire entendre à M. Vernet. Entre un homme et une femme, l'amitié ne peut être que la frêle passerelle qui mène à l'amour. M. Vernet, inquiet, ne répond rien. Plus tard, quand le moment sera venu de le tranquilliser et que je citerai des exemples historiques d'amitié d'homme à femme restée pure malgré les apparences, il ne manquera pas de me rappeler mon mot. Nous ne rivalisons encore que de générosité. Nous nous estimons pour notre indépendance de caractère. Elle se traduit par des expressions familières et même grossières. M. Vernet, homme mûr, connaît la vie. J'ai aussi ma petite expérience. Nous nous énumérons nos aventures, dont quelques-unes sont scabreuses, mais nous avons deux ou trois principes inébranlables, auxquels notre dignité en péril s'est toujours, par bonheur, accrochée. C'est ainsi que la femme d'un ami est sacrée. Nous comprenons le vol, le viol d'une jeune fille, tous les crimes. Nous n'admettons jamais, sous aucun prétexte, qu'on prenne la femme d'un ami. Ayant le moins à craindre, je me révolte avec le plus d'indignation. Je plaque mes deux mains sur les larges épaules de M. Vernet, comme si nous allions lutter corps à corps, et je lui dis « J'ai un ami de mon âge que je respecte autant qu'un frère aîné. Il rencontre dans la rue une femme quelconque, la suit, s'attache à elle, n'ignore pas qu'il a eu plus d'un prédécesseur, mais ne songe qu'au dernier. La manière dont ils ont permuté le préoccupe. « Quand l'as-tu quitté ?»« Encore ? Mais puisque je ne l'aime plus !» Réponds « Quand l'as-tu quitté ?»« Quand je t'ai trouvé. » « Alors c'est moi qui l'ai remplacé, naturellement. » Ainsi, tu l'as planté là pour moi, à cause de moi. Sans doute, pourquoi ? Pour rien, dit mon ami. Il prend son chapeau, part et ne revient plus. C'était exagéré, dit M. Bernet, mais tout de même gentil de sa part. Il compatissait à l'infortune d'un étranger. Je n'ajoute pas. L'ami, c'est moi. On le devine aisément. J'en ai fait une collection d'amis imaginaires que je fais intervenir à tout propos, infâmes ou vertueux, selon la thèse à soutenir. J'en ai de très riches. Ils possèdent des châteaux à l'étranger, et importuns me supplient d'y aller passer quelques mois. J'en ai de pauvres, qui mènent dans l'ombre une vie de reclus et préparent leur grande œuvre silencieusement. Mais quant à cet autre, dis-je, il m'est impossible de le voir sans dégoût, et je n'en parle que pour provoquer un haut-le-cœur. Croyez-vous qu'il s'est installé au milieu d'une famille complète, il la ronge, pourrit la mère, conseille le père, dirige l'éducation des enfants, préside à table et organise la dépense. Les bras croisés, mes doigts tambourinant sur la manche de ma redingote, je pose à M. Vernet cette question. En toute sincérité, que dites-vous de cet être-là ? Je dis que c'est un cochon, voilà ce que je dis. De mon côté, je fais « bé, bé » comme une chèvre ou comme un baby qui vient de tremper son doigt dans une ordure. La femme qui s'oublie, dit Mme Vernet, les yeux baissés sur son ouvrage, n'est pas une femme intelligente. Il me semble à moi que si j'étais sur le point de commettre une faute, je m'abstiendrais par bon sens, après avoir raisonné. Raisonné un peu, voyons. Elle ne répond pas. Pour l'encourager, au cas où quelque jour elle serait tentée de risquer une avance, je parle de ma timidité auprès des femmes. C'est comme cela. Je n'ai jamais pu faire le premier pas. Je ne me rends compte de ce que peut être une déclaration que par mes lectures. Je me mettrais volontiers à croupeton au pied d'une femme si j'étais sûr de son amour. Je lui dirais que je l'aime, à quatre pattes ou sur le dos, après. Mais avant, j'ai peur de me tromper, une peur bizarre. Bleu. Je n'exige pas que les rôles soient intervertis, mais il faut que la femme me fasse signe d'approcher, me promette la réussite par une télégraphie nette. Sans cela, nous pourrions rester indéfiniment côte à côte. Madame Vernet est prévenue. Vous avez dû laisser échapper de belles occasions, dit M. Vernet. C'est possible, dis-je sérieusement, sans m'apercevoir que je me rends grotesque même aux yeux du mari. Une mélancolie soudaine m'envahit. Je crois entrer dans une brume épaisse qui me cache le monde extérieur. Je parle pour moi seul, tout entier à des souvenirs écœurants. Quels êtres vils peuvent faire de vous le désir de la femme, de sa chair? Car son cœur nous est précieux comme une vieille botte dépareillée, et son âme vaut la vessie d'un poisson convide. C'est donc pour coucher avec une femme, pour pétrir son corps en boulanger avec des hans, gutturaux et sourds, que nous bravons notre mépris. Oh, si je ne craignais lâchement d'être aussitôt métamorphosé en idiot, je le proclame sans vouloir sonner ici une vaine fanfare, je me ferais eunuque. Je me couperais, et je jetterais avec dédain la cause de tous nos maux au premier canard venu. M. Vernet trouve qu'il n'y a que moi pour avoir des idées pareilles. Et Mme Vernet, tellement courbée en deux qu'on ne voit plus que son dos, pouf, avec une sorte de jappement continu.